j'ai chaud. Sur la piste de danse, j'ai chaud. Plus je danse, viens danser sur la piste. Viens danser avec moi. J'ai chaud sur la piste. J'ai chaud. Viens danser sur la piste. J'ai chaud. Viens danser. C'est l'été sur la plage. On est bien, toi et moi. J'ai chaud, viens danser. J'ai chaud, viens danser sur la piste. Viens danser, on est bien. J'ai chaud sur la piste. J'ai chaud, viens danser. Thank you. Thank you.